Bonjour Cédric. Bonjour. Ce soir, nous allons parler de tout ce qui concerne l'ex-Yougoslavie, donc tous les pays qui émergent de cela. Est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord justement de l'évolution, parce que c'est un coin qui a vécu une histoire hyper accélérée en fait, avec guerre, changement politique. Et donc, est-ce que tu as vu des choses quand même assez étonnantes par rapport à l'avant, l'après, la transition? Oui, bien sûr. En fait, dans les années 80, je connaissais quelques groupes que la plupart des gens connaissaient. Donc, c'était Laibach, évidemment, Borgesia, Autopsia, et un peu plus tard, Mario Mrazidowski et Tecton Motor Corporation. Et bon, c'était des groupes assez connus parce que beaucoup d'entre eux ont sorti des disques et des cassettes en Belgique. Un Mrazidowski était produit par un label de tournée, un label cassette qui s'appelait Corrosive Tapes, notamment. Je crois qu'il a sorti aussi des choses chez Stahlplate aux Pays-Bas. Laibach a sorti quelques-uns de ses premiers disques en Belgique également. C'est encore sous Tito, là, alors, à ce moment-là, Oui, oui. bien Ouais. sûr. Et Borgesia a été produit tout d'abord par leur propre label en Yougoslavie et par un label italien pour les toutes premières cassettes et les deux premiers vinyles. Mais ensuite, ils n'ont plus été produits que par un label belge, Play It Again Sam, à l'époque. Donc, c'était les seuls groupes que je connaissais à l'époque, mais c'était assez formidable, je trouvais. Bon, j'étais ado, d'avoir des musiques yougoslaves ici. Et puis, je suis allé en Yougoslavie avant la chute du mur de Berlin, mais juste hélas pour la traversée. J'ai pas pu prospecter plus avant. Mais j'ai pu constater qu'il y avait une scène alternative assez importante un peu partout en Yougoslavie, pas seulement en Slovénie ou en Croatie, mais en Serbie notamment, où il se passait vraiment beaucoup de choses, ou même en Macédoine, dans différents styles musicaux, le punk, le psychédélique, le rock, l'industriel, beaucoup de groupes industriels en fait, minimal wave. Hardcore, noise, musique expérimentale. Et sans aucun problème. Bon, bien sûr que si certains avaient des problèmes, je ne sais pas exactement ce qu'il en était des années 70, vu que j'ai peu connu de choses là-bas. Enfin bon, moi j'étais gamin quand c'était les années 70. Je sais qu'il y avait des groupes un peu psychédéliques, expérimentaux, qui se produisaient, mais il faut savoir que la Yougoslavie était quand même le ou un des, mais je pense que c'était le pays le plus libéré, on va dire, du bloc de l'Est, et qui était en plus détaché de Moscou, quoi. Qui n'était pas du tout dans le giron de l'URSS. Donc il y avait, par rapport à l'art, une plus grande liberté que dans certains autres pays, ce qui ne veut pas dire que tout était possible. Et ben, le premier exemple, c'est Laibach, qui s'est formé en 1980. Le groupe a eu énormément de problèmes. De par la provocation politique déjà du groupe, ne fût-ce que dans le nom, qui est l'ancien nom allemand de Ljubljana. Donc c'était pour le régime communiste une allusion L'occupation. plus à l'extrême droite, on Ouais. va dire, alors que le groupe n'est pas du tout un groupe d'extrême droite, c'était de la provocation. Et le premier organisateur des concerts de Laibach était un des membres de Borgesia, en réalité. Donc en 80, ils organisaient des concerts dans des bunkers, des abris anti-atomiques, je pense aussi, totalement illégaux. Ils organisaient des concerts punk et autres. Laibach était un groupe à ses débuts, je dirais. Enfin, moi, ça m'évoque des choses entre un pro jazz punk industriel, c'était pas du tout le groupe électronique qu'on connaît actuellement. Borgesia n'a pas toujours eu la vie facile non plus, vu que c'était un groupe clairement affiché homo déjà, et qui n'appréciait pas du tout le régime totalitaire socialiste yougoslave, et qui s'en cachait pas spécialement. Et je me souviens bien de certaines paroles de chansons quand il parle des cités noires, donc les Tcherno Mesto, enfin, de la grisaille ambiante, de la tristesse, etc., quoi. Donc non, ça n'a pas toujours été évident, pas plus que pour les groupes punk non plus, parce qu'ils s'opposaient à un régime, dans tous les cas, et totalitaire, même s'il l'était moins que les autres. Mais malgré tout, énormément de gens ont produit de la musique là-bas. Certains sur le label d'État, dont j'ai oublié le nom, mais c'était plutôt des groupes de rock, certains groupes punk moins engagés que d'autres, des groupes de disco. Il y a eu énormément de disco, surtout en Slovénie, vu l'influence de l'Italie. Mais il y avait des labels indépendants, comme le label que gérait Borghesia, qui existe toujours d'ailleurs maintenant, ou le label de Mario Marzidovšek, qui a sorti énormément de cassettes, et qui lui, plus tard, s'est exilé aux Pays-Bas, si je ne m'abuse. Il y a eu Autopsia aussi, qui eux ont fui juste avant la guerre, en fait, en Tchéquie, enfin en Tchécoslovaquie, encore à l'époque, parce qu'ils savaient, en fait, qu'il y aurait la guerre. Mais je pense que tout le monde le savait. C'est une histoire assez amusante, entre guillemets. En réalité, la personne derrière Autopsia a sorti une production chez Stahlplatte, aux Pays-Bas, et voulait avoir une avance sur l'argent du disque. Et donc, Hirtian du label lui a donné l'avance, et ça a permis à Autopsia de fuir, parce qu'il a expliqué: je sais qu'il va y avoir la guerre, en fait. Et Hirtian ne l'a pas cru, en disant: qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bon, quelques temps plus tard, tout a pété. Donc voilà, en gros. J'ai un peu dévié, désolé. Non, c'est intéressant. Et justement, donc il y a eu la guerre. Bon, toi, tu es arrivé, tu as plutôt été joué là après la guerre, je suppose, pas pendant. Moi, j'ai joué bien après la Ouais, voilà. guerre. Donc, bon, la région a eu tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire une guerre, des renversements politiques, un basculement quand même relativement à droite, nationaliste, de façon assez générale. Qu'est-ce que toi, tu as constaté quand tu y es allé, justement, avec ce background que tu avais avant de plus jeune, avec ces groupes-là? Quelle a été ta réaction quand tu as vu, justement, le milieu culturel que tu espérais peut-être voir par rapport à tes souvenirs et qui est apparu en réalité? Bien, ça a été un choc en quelque sorte, parce que j'avais peut-être 16 ans quand je suis allé là. Je me souviens plus du tout, mais j'étais assez jeune, peut-être un peu plus de 16 ans. Bon, peu importe. Et donc moi, j'avais toute cette illusion de ces groupes que je connaissais, en me disant qu'il devait y en avoir plus, et qu'il se passait plein de choses là-bas, et que c'était génial qu'il se passait ce genre de choses en Yougoslavie. Et puis je retourne là des années plus tard. Donc en passant d'abord par la Slovénie, puis la Croatie, la Serbie, quand c'était encore la Yougoslavie, donc Serbie-Monténégro ensemble. Je pense qu'ils étaient encore ensemble la première fois que j'y étais. Et puis la Macédoine. Et là, ça a été une grosse désillusion, je dirais. Parce qu'il se passe bien sûr toujours des choses. Mais Ljubljana, qui pour moi était la ville où il y avait Borghesia, qui est à la base pas un groupe slovène, je crois que c'est un groupe croato-slovène. Mais en tout cas, je sais qu'ils chantaient en croate à leur début. Et Laibach, qui est pas du tout de Ljubljana, ils viennent d'un village, en fait, ils viennent pas du tout d'une grande ville. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il ne se passe pas tant de choses que ça à Ljubljana. Qui ne se passait pas Non, donc, avant. non, à l'heure actuelle, Oui, non, ok. si, justement, à l'époque communiste, il s'est passé pas mal de choses, peut-être moins à Ljubljana, je ne sais pas, mais en Serbie notamment, il y avait énormément de groupes, ou même en Macédoine, il y avait des groupes. Or, en allant là à Ljubljana, je me suis rendu compte que c'était moins évident d'y jouer que ce que je ne pensais, qu'il y a un petit milieu académique qui fait pas mal de choses, même de plus en plus, mais la première fois que j'y étais, c'était pas énorme, je trouvais. Ça semblait assez difficile. Mais je constatais aussi qu'il y avait un public assez restreint pour ça. Alors, d'une part, j'ai joué dans un festival noise, enfin une soirée noise, on va dire, plutôt, dans laquelle il y avait très très peu de monde. C'est dans un terrain au centre de Ljubljana, qui est un terrain squatté. le seul qui reste encore, dans lequel il y a pas mal de baraquements, je dirais, de bâtiments, dans lesquels il y a des soirées drum and bass ou des expos et autres. Et la seconde fois, j'ai joué dans une galerie d'art et j'ai donné une conférence. Et il n'y avait pas énormément de gens non plus. J'ai été voir des concerts de musique contemporaine, musique improvisée, jazz, musique expérimentale. C'était pas blindé de monde non plus. Bon, est-ce que c'est plus blindé par ici? Je dirais peut-être pas non plus. Mais ça m'avait surpris. Et puis en Croatie, c'est avéré que quand j'étais y jouer, le jour où je devais jouer, ou quelques jours auparavant, les organisateurs ont perdu la salle et m'ont expliqué qu'en fait, c'est une galère effroyable pour avoir des salles une fois que c'est alternatif et que ça ne ramène pas de l'argent. Ça me rappelle qu'un petit quelque chose. Ah oui, ça devient hélas comme ça dans pas mal de régions, n'est-ce pas? Et donc finalement, on a joué dans un squat, tout s'est très bien passé, il y avait un petit monde, et j'ai joué un autre concert. Là, c'était le premier concert, c'était plutôt dans un cadre noise industriel. Le second concert, c'était plutôt une soirée dubstep, électro, breakcore. Et là, ils ont eu pas mal de monde pour le coin, quoi, dans un bar. Mais ils ont eu pas mal de mal à trouver cet endroit aussi. Et tout le monde m'expliquait que c'était devenu difficile une fois qu'on ne ramenait pas assez d'argent. C'était ça le problème. En Serbie, c'était un peu la même chose aussi, même si je trouve ça bien, bien plus facile au final, quoi qu'en disent beaucoup d'amis serbes, d'organiser quelque chose en Serbie. Je trouve qu'il se passe pas mal de choses au niveau de la scène académique, des nouveaux médias, du noise et d'autres genres musicaux aussi, même l'électro et autres. Je pense que la Serbie remonte un petit peu à un niveau, peut-être comme celui qui était celui d'antan. Mais c'est quasi la seule région pour moi de l'ex-Yougoslavie enfin, quand je parle de la Serbie, je parle vraiment de Belgrade. Parce qu'il se passe parfois des choses à Novi Sad, par exemple, au niveau du punk notamment, mais c'est un peu la galère. Et ailleurs, de temps en temps, il y a quelque chose, mais c'est complètement la zone. Le Monténégro, c'est encore pire. Et bon, le Kosovo, n'en parlons pas, n'est-ce pas? Mais tu vois vraiment, enfin, tu vois, on était trop jeunes quand ça s'est passé, enfin, plutôt que sous Tito, mais est-ce que, enfin, ici tu m'as parlé justement des problèmes d'organisation, mais est-ce que tu vois un engouement du public quand même encore pour des cultures alternatives, ou alors maintenant on est libre, on profite un petit peu de façon plus MTV, on va dire Bah, y a des deux comme partout maintenant, hélas, quoi. Et du coup, oui, je faisais la réflexion à des amis. Je leur disais, est-ce que les gens ont besoin d'une dictature pour se rebeller et donc pour faire de l'art alternatif et se démerder pour avoir des lieux? Alors qu'une fois qu'il y a cette soi-disant liberté qu'apporte le capitalisme, le libéralisme, appelez ça comme vous voulez, les gens s'en foutent parce que. Ils peuvent sortir où ils veulent, ils peuvent avoir de la dance comme ils veulent, ils peuvent s'acheter une télé, ils peuvent picoler comme ils veulent. Je trouvais ça assez décevant, mais pas par rapport à la Yougoslavie, parce que finalement ça se passe dans plein d'autres endroits comme ça. Mais tu voyais quand même ce Mais phénomène par rapport, ouais. justement, aux années Laibach, Borghesia. Pour moi, oui, c'était flagrant, et je pense que c'est pas que là, J'ai une meilleure expérience là parce que je suis allé plusieurs fois en Yougoslavie et ex-Yougoslavie parce que j'ai toujours été fort attiré par la scène alternative de ce pays bon, dès l'adolescence parce que je suis tombé là-dessus et par après sur d'autres choses en Pologne ou en URSS, etc. Et j'ai des bons contacts aussi en Serbie notamment un ami Nenad qui me fournit énormément de musique de l'époque. Et moi, je cherche cette musique-là, plus ce qui se passe maintenant. Et je vois que il y a énormément de groupes, par exemple, qui venaient de la Serbie, de Belgrade principalement. À l'époque, ça émergeait à fond. C'était vraiment le sang. Bon, c'était la capitale aussi. Et il y a eu un gros creux, en fait, pendant des années après la guerre, quoi. Comme je te dis, maintenant ça repart, donc il s'est vraiment passé quelque chose. Et en Macédoine, c'est pire que tout pour moi, quoi. J'ai joué à la radio nationale parce qu'il est très difficile d'organiser un concert là-bas. Non pas que ce soit interdit, mais c'est juste que c'est de la musique alternative et qu'il n'y a presque personne qui se bouge pour ça. De temps en temps, il y a un festival, mais de temps en temps des concerts, mais sans plus, alors que je découvre des groupes New Wave, Punk, IBM, des années 80, en Macédoine, il se passait vraiment des choses, et maintenant j'ai un mal de chien à trouver quoi que ce soit là-bas. Et c'est vraiment selon toi simplement une histoire de fric ou une histoire aussi de je ne veux pas de ces gens à part, de cette culture à part, laissez-nous tranquilles. Je ne peux pas vraiment évaluer, mais il est un fait certain que quand on va dans plus vers l'est et le sud, bah, le nationalisme, le conservatisme sont vraiment plus profonds. Donc une fois qu'on est en Serbie, Ça n'aide pas des par masses, quoi. exemple, voilà, ça n'aide pas. La Slovénie est quand même le seul pays, je pense, peut-être avec la Macédoine, je ne sais plus. Bon, pardon pour les erreurs, qui n'a pas vraiment connu la guerre. Il y a eu quelques jours de guerre à la frontière slovène et ça a été tout. Par contre, la Croatie, la Serbie, qui était Serbie-Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, et puis par après le Kosovo, ça a tout le temps pété, quoi. Et c'est pas fini. Je veux dire, en Bosnie-Herzégovine, il y a la Republika Srpska qui voudrait aussi être indépendante. Bon, et ça n'aide en rien, évidemment. Et donc, des gens qui ont un esprit déjà super conservateur, de la musique alternative, ça ne les intéresse pas du tout. Et il y a aussi toujours une tradition qui est très forte dans le sud. Et on ressent ça dans la musique qu'on appelle turbo folk, donc le turbo folk, qui est un mélange de cette musique folk des Balkans et de techno assez simple, on va dire. Et ça, c'est hyper populaire, quoi. Et ça marche à fond. Mais une fois que ça rentre dans un créneau plus alternatif, ça devient difficile. Et on le voit dans les nouvelles, dans ce qui se passe par exemple en Serbie, par le nombre d'homosexuels ou de punks ou que sais-je d'autres qui se font tabasser en rue par des nationalistes, par des extrémistes religieux et par des racistes en tout genre, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, se revendiquer d'une culture ou on va dire d'une communauté à part là-bas, c'est pas super bien vu quoi de toute façon. Non, dans l'absolu, non. Enfin, ça dépend où on est, mais là, non. C'est pas seulement par rapport à la musique. Moi, je l'ai pas vécu là-bas. Chaque fois, on me dit que j'ai eu du bol, mais je suis toujours tombé sur des gens extraordinaires, même des inconnus en rue. Mais il suffit de regarder les nouvelles et voir ce qui se passe en Serbie quand il y a un match de foot, ou ce qui se passe en Croatie pour un match de foot aussi. C'est pas mieux là-bas, quoi. Là, c'est clair et net, quoi. Et bah justement, on parlait Serbie, Croatie, Slovénie, Monténégro. Dans quel, enfin, tu m'as dit que tu avais été plutôt du côté de Ljubljana, Croatie, un peu Serbie. Est-ce que tu as vu une différence notable, donc par exemple, quand il y a un concert, notamment dans l'approche des gens sur ce concert, donc comment ils voient ce concert? Est-ce que c'est il n'y a rien, on y va parce qu'on s'en fout parce qu'il n'y a rien, ou alors est-ce qu'ils sont vraiment éclairés sur cette culture-là par rapport à d'autres pays? Oui, bien sûr, mais là on parle d'un réseau très spécifique et de gens qui s'intéressent à une musique alternative. Et bien sûr, ils savent très bien ce qui se passe ailleurs. Et je suis toujours surpris par la connaissance culturelle en fait des gens en Yougoslavie et de pas mal de pays de l'Est. Au niveau de l'histoire de leur pays, de l'histoire des pays de l'Est, mais l'histoire de l'Occident en général aussi, que ce soit pré- ou post-communiste. Et je trouve qu'en général, ils ont une connaissance bien supérieure à la plupart des gens ici à l'Ouest, en tout cas par rapport à la Belgique et en partie à la France, je dirais, ou même d'autres pays comme les Pays-Bas. C'est évident. Ils ont un background que je trouve hallucinant, Je vois pas énormément de différence dans la scène dans laquelle je suis. Je trouve les gens en général hyper chaleureux, gentils. Je leur fais tout le temps remarquer d'ailleurs que moi je vois pas cette différence dans cette scène entre un Croate, un Slovène, un Serbe, etc. Envers toi, mais aussi entre eux. Mais entre eux, parce que c'est une scène alternative et ces gens s'en foutent du fait d'être croate ou pas. Dans d'autres pays, ça n'existe peut-être pas forcément. On a déjà vu ça lors d'un autre une autre interview avec au Moyen-Orient, par exemple. Bon. Oui, non, c'est vrai. Mais là, non, c'est pas mon ressenti. Si tu parles vraiment au quidam, tu chopes quelqu'un en rue, là, il y a des chances qu'il y ait une tension. Les différences, tu les sens de toute façon. La Croatie, ça m'avait marqué, en fait. Que la mentalité croate n'est pas la mentalité slovène, pardon, serbe. Ils ont beau parler la même langue, quoi qu'ils disent, ce sont deux cultures qui ont quand même de grosses différences, même s'il y a des points communs également. J'étais assez scié, tu le ressens dès que tu passes la frontière de toute façon. La culture croate comme la culture slovène, je pense, sont des cultures quelque peu plus germaniques, en plus de tout l'aspect méditerranéen et slave. Et la Serbie, la Macédoine, bon, la Bosnie-Herzégovine, je ne suis pas encore repassé là-bas, donc je ne peux pas vraiment juger. Sont des entités où les gens ont plus le côté méditerranéen, peut-être aussi plus sang chaud, mais tout le côté chaleureux également. Je ne sais pas vraiment t'en dire plus, mais au niveau de cette scène, moi je vois pas de différence, d'autant qu'il y a plein de mélanges, quoi. À Ljubljana, avec qui je joue de la musique, à Ljubljana par exemple, donc vit en Slovénie, mais est serbo-croate. Donc, c'est pas quelqu'un qui pour moi peut avoir une particularité de la région dans laquelle il vit, vu qu'il vient de partout. Non, c'est intéressant de voir justement que dans ces milieux un petit peu alternatifs, on fasse un peu abstraction pardon, de ce qui se passe vraiment dans la politique ou dans tout ce qui se passe entre culture, race, etc., quoi. Je dirais pas qu'ils font abstraction, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec mes amis. Surtout ceux d'origine serbe, et pas mal se plaignent en fait de certains problèmes inhérents à la région dans laquelle ils vivent, comme le nationalisme, comme le fait que certaines régions se renferment sur elles-mêmes. Oui, je voulais pas dire ça, mais par exemple, si un Serbe va organiser quelque chose et qu'il y a un artiste croate, il va pas lui dire casse-toi pauvre con. Non, non, non, non, ça j'ai jamais vu. Enfin, je dis casse-toi pauvre con sans aucune autre allusion, hein. Oui. Non, non, ça j'ai jamais vu. Justement, on échange tout le temps un tas de données. Chaque fois qu'on découvre un nouveau groupe dans tel ou tel pays, on dit, tiens, j'ai ça comme contact, ou tiens, je connais ce type-là qui peut vous faire jouer à Sarajevo, par exemple. Et non, non, on est super content. Il y a justement des groupes qui jouent là-dessus. Et au niveau justement de l'extérieur, il y a eu bon les guerres, la Yougoslavie a éclaté. Maintenant, dans les médias, on parle la Yougoslavie toujours dans la catégorie, on va dire, faits divers. Est-ce que les artistes serbes, croates, slovènes, de toutes les contrées de l'ex-Yougoslavie, n'ont pas du mal à s'exporter? Est-ce qu'il n'y a pas comme un blocus mental? Enfin, tu vois ce que je veux dire, vraiment de dire il n'y a rien en Yougoslavie, de toute façon on va pas les voir. Est-ce qu'ils ont Je ne pense pas qu'il y ait plus de blocage inconscient par rapport à n'importe quel pays de l'Est. Je pense que de toute façon, on le voit bien dans les médias populaires, il n'y a quasi rien qui arrive de l'Est. Ici, tout est anglo-saxon. Ou alors francophone parce qu'on est en France, italophone parce qu'on est en Italie, etc. Donc pour moi, non. Mais par contre, dans les milieux alternatifs, il y a toujours bon, les grands classiques qui sont connus comme, bon, j'ai déjà cité Laibach, par exemple. Mais il y a un renouveau de la scène et il y a des gens, des artistes comme Pop Simonova par exemple en électro ou Décollage qui aussi qui était un groupe électro qui fonctionne également dans les milieux alternatifs de l'Ouest ou de l'Occident, on va dire. Enfin, même si on considère que l'ex-Yougoslavie ne fait pas partie de l'Occident, qui sortent des disques sur des labels occidentaux. Mais il y a un renouveau, il y a des compilations qui sortent de plus en plus en Yougoslavie, mais qui regroupent un tas de groupes de la grande Yougoslavie de l'époque, des compilations punk sur lesquelles on retrouve Kino par exemple, ou une compilation qui va bientôt sortir avec la musique industrielle, noise, expérimentale de toute la Yougoslavie. Non, j'ai pas du tout le sentiment qu'il y ait une espèce de blocus. Des gens ne s'imaginent probablement pas qu'il se passe des choses en Macédoine ou en Monténégro, par exemple, parce qu'on ne parle pas du tout de ces pays. Mais des gens savent bien qu'il se passe des choses en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Mais je pense que c'est aussi un rapport à la distance, parce que nous, on est vraiment loin à l'ouest. Et plus on se rapproche, par exemple, d'Italie, l'Italie a toujours eu des contacts avec la Yougoslavie, même à l'époque communiste. Et en Italie, on a toujours su qu'il se passait des choses là-bas, comme oui en et non. Autriche. Mais on a des contacts avec la Grèce, qui est plus loin. Oui, mais qui fait partie de l'Union Européenne. Ouais. Mais quand tu y réfléchis, c'est très neuf le fait qu'on reçoive énormément de groupes grecs ici. Quand tu vois dans les années 80-90, au niveau de la musique alternative, ben, moi je connaissais quasi rien en Grèce, à part quelques groupes de noise, parce que j'avais un contact là-bas, ou des groupes expérimentaux. Et puis, ça fait seulement quelques années que c'est devenu plus populaire. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment un rapport de distance. Et chaque fois que je voyage, je vois qu'il y a toujours une espèce de giron. Quoi. Ça se passe autour de la région dans laquelle on se trouve. Et une fois qu'on est éloigné de ça, on perd un peu contact. Il y a toujours des pôles, évidemment, la Belgique ou l'Allemagne ou le Royaume-Uni en ont toujours été par rapport aux musiques électroniques. Mais je suis persuadé que les gens qui étaient en Grèce et actifs dans les années 80 n'avaient que peu de contacts avec les gens de la scène au Portugal par exemple, qui étaient loin, mais par contre avaient des contacts avec ce qui se passait en Serbie. Enfin, je l'ai demandé quand j'étais en Grèce, les gens me disaient oui, bien sûr, on avait toujours des contacts avec la Macédoine et la Serbie, c'était nos voisins, donc on savait ce qui se passait là-bas, nous. Est-ce que tu vois justement dans le futur un dynamisme qui serait un petit peu comparable à ce que l'on avait connu dans les années 80 dans les pays de l'ex-Yougoslavie? Ou est-ce que tu vois ça d'un œil un petit peu plus pessimiste? Je le vois en Serbie, je pense, mais c'est toujours dans la capitale surtout. Ouais. Dans les autres grandes villes, comme Niš ou Novi Sad, pas vraiment. Et peut-être encore moins Niš qui se trouve vraiment au fin fond du sud, pas loin de la Bulgarie. Ça semble très épars et tout a l'air vraiment concentré à Belgrade. Là, oui, pour moi, il se passe des choses. Il y a eu des festivals, il y en a encore beaucoup. Il y a des gens quand même fort actifs, comme Kosmoplovci, par exemple, et ce ne sont pas les seuls. Il y a Nenad, mon ami, qui s'occupe d'un label avec un producteur slovène maintenant pour rechercher tout ce qui se passait dans les pays de l'Est au niveau des musiques électroniques et noise. Donc il commence à publier des vinyles. Mais une fois de plus, tout semble fort concentré sur la Serbie. Par contre, en Croatie, il y a une scène alternative au niveau de l'électro. Et pas seulement à Zagreb d'ailleurs. Et au niveau du dubstep, reggae et autres, il y a pas mal de choses. Par rapport au punk, je ne sais pas vraiment juger. Et à Ljubljana également, maintenant, ça semble se réveiller un petit peu au niveau de la musique expérimentale. Et de temps en temps, il y a des choses à Maribor, donc qui est plus vers le nord, pas très très loin de l'Autriche. Ça reste quand même un peu marginal, Maribor. Et à Sarajevo aussi, hein, un peu de breakcore, drum and bass. Bon, la drum and bass, c'est peut-être un peu partout également, maintenant, pas seulement là. Mais ce sont principalement les endroits où il se passe des choses maintenant, à grosse échelle, je dirais. Il y a toujours des choses ailleurs, à plus petite échelle, mais... Je parle même pas de soirées, même une vie culturelle du style des soirées, ok, des artistes, des labels, de la distro... C'est très difficile parce que la Slovénie s'en est sortie financièrement. La Slovénie, maintenant, c'est un pays de l'Ouest, ça n'a plus rien à voir avec un pays de l'Est. Donc en Slovénie, oui, il y a des labels, il y en a toujours eu et ils seront toujours là, point. En Croatie, c'est un peu plus riche, mais la scène alternative par rapport à ces musiques-là me semble relativement amoindrie. Et les gens que je connais qui s'occupent de cette scène n'ont pas l'argent pour produire des disques eux-mêmes. Et en Serbie, ça ne s'arrange pas non plus. C'est une région très très pauvre, les salaires sont très bas. De même avec le Monténégro, de même avec la Macédoine où c'est encore en dessous de tout. Et donc, non, il n'y a pas grand-chose qui sort de là-bas. Il y a des artistes qui arrivent parfois à se faire signer ailleurs, Ailleurs, ouais. heureusement, mais au niveau de la production, c'est ou de l'autoproduction sur le net ou sur des CDR. Mais il y a très peu de labels. Il en existe quand même. Mais c'est une production moindre que ce qu'il y avait dans les années 80, quand on voit des groupes comme Sats to et Sitsmo, par exemple, qui était un groupe industriel noise basé en Croatie, si je ne m'abuse, qui sortait des vinyles à l'époque, en 84-85, à la même époque que d'autres groupes plus ou moins commerciaux, peu importe, notamment des gens comme Beograd, qui était un groupe d'électropop, ou plein d'autres. Il y avait énormément de vinyles qui sortaient à l'époque, en plus de la scène cassette alternative. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins maintenant. Je sais pas si c'est par un manque d'intérêt par rapport à la scène là, mais j'ai l'impression de toute façon que c'est toujours un problème par rapport à, une fois de plus, l'Ouest qui s'auto-congratule et sort principalement des artistes de l'Ouest et de temps en temps autre chose. Et les gens. Est-ce que ces pays-là aussi ne sont pas pour le moment en train de tellement s'ouvrir qu'ils attendent plutôt que des gens viennent chez eux, plutôt que d'en créer eux-mêmes? Non, c'est pas ça. Pour moi, la première raison, c'est vraiment l'argent. On le sent en Serbie. Les gens de cette scène ont très peu d'argent pour organiser des choses. Certains peuvent fonctionner avec des subventions de temps en temps pour des festivals, heureusement. Mais même si le prix d'un disque, pour sortir un disque, un CD ou un vinyle a beaucoup baissé par rapport aux années 80, enfin, et même énormément baissé, ça reste une somme faramineuse. Et quand une personne gagne 300 ou 400 euros par mois, elle a autre chose à faire Surtout maintenant avec que. l'arrivée de l'euro là-bas. Oui, enfin en Serbie on n'y est pas Ouais, encore, mais par non, ouais. contre ça pourrait arriver en Monténégro qui a une candidature favorable à l'Union européenne. La Serbie finira bien par l'avoir aussi, je suppose. Donc oui, la vie va devenir de plus en plus dure pour ces gens-là. Donc ça ne peut pas être une priorité de. Et on ne peut pas en vivre de toute façon. Même ici en Occident, c'est de plus en plus difficile. Alors là-bas, non, c'est trop compliqué. Je pense que c'est vraiment une des raisons. Comme je disais, à l'époque, il y avait quand même un label d'État, tout comme en Pologne, il y en avait un aussi, qui produisait certains de ces artistes. Et même certains artistes en punk ont sorti des disques, en rock, en musique électronique, et donc n'avaient pas à débourser d'argent pour la production du vinyle, probablement pour les enregistrements. Et encore, il y a un tas de gens qui pouvaient se démerder. Là maintenant, il faut faire tout de A à Z parce que il n'y a pas énormément de labels qui s'occupent vraiment des musiques alternatives de ce genre, à part il en existe deux gros en Slovénie, mais au moins un des deux existait déjà à l'époque. Et je pense pas que dans les autres pays il y ait des gros labels qui s'occupent de musique alternative. En tout cas, pas à ma connaissance, c'est des petits labels de ci, de là, ou des gens qui s'occupent eux-mêmes de sortir les disques. Et quand tu parles avec des acteurs de la culture là-bas, des artistes, des organisateurs, quand ils voient évidemment, quand ils regardent en arrière et qu'ils se projettent dans l'avenir, comment voient-ils l'avenir par rapport à cette évolution? Est-ce qu'ils voient ça comme un pays qui est encore en pleine reconstruction, alors qu'un pays qui va être simplement stagnant ou même pire? Ça dépend où tu es. Une fois de plus, en Slovénie, non, ça avance. En Croatie aussi, en tout cas économiquement, je veux te dire, hein. Bon, pour ce qui est de la vie culturelle alternative, ça avance à tout petit pas, en tout cas en Slovénie. Ça recule pas. Non, ça ne recule pas. En Macédoine, ça a l'air d'être une catastrophe. Il se passe pas plus, j'ai l'impression. Disons que eux ne sont pas peut-être pas encore sortis complètement de leurs emmerdes non plus, donc Bah, c'est trop pauvre en fait. ouais. Et j'ai pas l'impression que qu'en 15 ans ou en 20 ans, grand-chose a changé pour les musiques alternatives en Macédoine. Ça m'a l'air d'être catastrophique. Y a pas vraiment de budget, y a pas vraiment de public. En Monténégro, il se passe pas grand-chose non plus, dans l'absolu. Il y a la Serbie, comme je disais, qui me donne chaque fois l'impression qu'il se passe de plus en plus de choses. Et qui suit une voie un petit peu à part par rapport à la Croatie et la Slovénie, un peu plus ouest, et que la Serbie soit un petit peu plus entre guillemets indépendante. J'aime pas dire ça pour ces pays-là, mais. Non, c'est pas mon sentiment. J'ai l'impression qu'il y a une minorité assez active en Ouais. Serbie. Et apparemment à Sarajevo aussi. En tout cas au niveau des arts contemporains, il y a pas mal de choses, notamment dans un ancien bunker de Tito, qui a été récupéré légalement pour une année par des artistes, qui ont un projet assez intéressant. En réalité, ce sont des artistes qui ont dû soumettre le projet à la ville, à l'État, je ne sais pas trop, mais c'est passé par l'armée aussi, parce que l'armée occupait le bunker, qui ne servait plus à rien. C'était un bunker dans lequel, donc en cas de guerre atomique, Tito et toute la clique auraient pu vivre 6 mois, et probablement mourir en sortant après. Et donc ils ont remis un projet pour pouvoir utiliser le bunker afin de faire des expos, des installations d'artistes des Balkans. Donc les Balkans, ça implique également l'Albanie, la Turquie, la Bulgarie. Le seul pays qui n'est pas inclus dans l'histoire, c'est le Kosovo, pour des raisons qu'on comprendra, n'est-ce pas? Et donc j'ai constaté que ça bouge pas mal à ce niveau-là, là-bas aussi. Je pense que globalement, dans pas mal de ces régions, ça bouge, mais le fait qu'économiquement, c'est encore dur, à part en Slovénie et en Croatie, fait que ça stagne dans certains endroits ou ça avance tout doucement uniquement dans d'autres. Le fait est aussi que la Serbie est toujours sous pression. Peut-être que ça fait évoluer les choses plus vite. Une fois de plus, la pression, la dictature, etc. Font qu'il y ait une contre-culture plus développée peut-être. Puisque en Serbie, comme je disais, le nationalisme est toujours très très profond, très ancré. Il y a encore énormément de tensions par rapport à ce qui s'est passé au Kosovo, à la scission avec le Monténégro, qui est quand même assez récente. Donc évidemment des gens qui se révoltent plus que dans un pays un peu plus, enfin dans une autre contrée un peu plus calme. Je pense aussi, quand on vit dans la sécurité, dans le luxe, voire la luxure, en général, on constate qu'il y a beaucoup moins de gens qui veulent se rebeller contre un système de moutons où on se sent plus ou moins bien, entre guillemets. Or là, les gens doivent lutter pour exister, pour manger, ils doivent s'affirmer pour présenter leur art en réalité. Donc je pense que ça pousse plus de gens à vouloir s'exprimer haut et fort que dans d'autres régions. Ouais, je pense, mais bon, c'est difficile d'évaluer vraiment. C'est hyper complexe la Ah Yougoslavie. ouais, mais. Chaque fois que j'y retourne, j'ai l'impression que la prochaine fois que j'y retournerai, il y aura encore eu une nouvelle scission quelque part. C'est ça qui est intéressant. Enfin, malheureusement aussi, c'est que c'est un laboratoire accéléré, donc on peut y voir des choses que l'on ne peut pas voir ailleurs. Question évolution. Ah, mais c'est clair. Oui, chaque fois que j'y vais, il y a eu un nouveau changement. Il y a le pays s'est encore coupé, enfin, s'est encore morcelé. Tel pays prétend maintenant qu'il ne parle plus la même langue que l'autre. Parce qu'en Yougoslavie, on parlait serbo-croate, qui était la langue nationale, en plus du slovène et du macédonien, qui sont deux langues qui ne sont pas du serbo-croate, même si elles sont des langues slaves pas si éloignées que ça. Et puis quand il y a eu la scission de la Yougoslavie, on a prétendu qu'en Croatie on parlait croate, qu'en Bosnie-Herzégovine on parlait bosniaque et qu'en Serbie on parlait serbe, alors que c'est la même langue à la base, avec quelques petites différences dialectales. Et maintenant, Monténégro, on parle monténégrin. C'est la langue officielle du Monténégro. Soudainement, depuis un an ou deux, on parle plus serbe. Et le jour où la Republika Srpska sera indépendante, je suppose que ces gens parleront plus bosniaque, mais une variante quelconque du serbe qui sera pas tout à fait du serbe, je suppose. Ouais, c'est un côté intéressant, mais c'est un côté parfois un peu affligeant. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'en fin de compte, tous ces gens veulent se retrouver dans l'Union C'est pas ce que européenne. j'allais dire, quoi. Donc, je me dis, ça rime à quoi au final? Tu sais dans quel pays nous sommes? Ah La oui, la Belgique. Belgique est un mauvais exemple pour le sujet de fait. Pour clôturer, si maintenant quelqu'un voulait aller là-bas, qu'est-ce que tu lui conseillerais? On va essayer de corser un petit peu, aller une ville par contrée, en fait, par pays. Oh là là, non mais il y a que les capitales en fait. Voilà. Je pense c'est Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Skopje et Belgrade. Et j'ai oublié le nom de la capitale du Monténégro et le Kosovo. Vous pouvez faire une impasse. Pour l'instant, il n'y a rien de rien, mais il y a eu quelques concerts noise peu après l'indépendance organisés par un Macédonien. Voilà. Au Kosovo, donc rien n'est impossible. Voilà. Faut... Mais si c'est pour la musique, il vaut mieux aller dans ces coins-là, à Novi Sad éventuellement pour le punk. Et de toute façon, c'est sur la route pour Belgrade, donc il faut en profiter. Et sur la côte en Croatie, éventuellement, il se passe deux, trois choses. Et si quelqu'un maintenant voulait aller là-bas, donc Croatie, Serbie, etc., qu'est-ce que tu conseillerais, quels seraient les labels ou les gens que tu voudrais mettre en avant? La liste est vraiment très longue, donc je vais en citer juste quelques-uns. Bon, il y a Kosmoplovtsi, dont je parlais tout à l'heure, qui organise des concerts, mais multimédia, pas seulement musique, donc vidéo et son, beaucoup, en musique expérimentale à Belgrade. Aussi à Belgrade, il y a Igor Stanglitski, qui organise des événements, produit des événements et joue de la musique, soit de la drum and bass ou des choses moins abordables. Mais il est assez actif dans la musique expérimentale également. Alors, DRMK en Slovénie qui organise des festivals et concerts noise et industriels principalement depuis très longtemps. Trip to Zion à Zagreb qui organise plutôt des soirées dub, reggae, etc. Mais pas seulement, il y a aussi de la drum and bass, parfois du breakcore, dubstep. Il y a le label Pharmafabrik en Slovénie qui sort de musique du dark ambient et du drone. Le musicien Louviana qui fait de la musique ambiante et de l'électroacoustique avec qui je bosse en fait, notamment sur des projets audiovisuels également. Un autre projet que j'apprécie assez bien, c'est Grootaggi, si je le prononce bien. C'est du dark ambient aussi, assez ancien quand même, basé en Croatie. Il y a Zarkov, qui fait de l'électro, en Croatie également, qui est assez intéressant. Et puis le projet de sa compagne, qui s'appelle Décollage, qui est aussi de l'électro, un peu old school, assez chouette. Et en Macédoine, Acid Fake, je dirais, Acid Fake, qui organise des événements, des concerts, à une émission radio aussi sur la radio nationale pour la musique expérimentale. En Macédoine. Oui. Ah, quand même. Oui, mais le problème, c'est que c'est quasi le seul. Mais oui, qu'il y a cette possibilité-là quand même de faire ça. En gros, quoi. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est déjà quelques noms, quoi. Mais il y a aussi un site dont j'ai oublié de parler, qui s'appelle Dark Scene, et qui est un site qui est basé en Serbie, qui reprend toutes sortes d'artistes en musique électronique alternative des années actuelles et passées pour l'ex-Yougoslavie. Donc si vous tapez Dark Scene Yugoslavia, vous pouvez tomber dessus et il y a un listing qui n'est pas complet, il y a des petites bios, il y a des groupes qui manquent, mais globalement il y a quand même énormément qui est listé. Ça va du crossover au noise en passant par l'électropop ou l'industriel, etc. quoi. Donc c'est une très bonne référence, je dirais. Ok, bien merci Cédric. La prochaine fois, je crois qu'on pourra parler d'un pays un peu plus ensoleillé, mais on verra ça un peu plus tard. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Petit erratum, je ne voulais pas parler du groupe punk Kino, qui était un groupe russe, mais du groupe Chaos, qui était un groupe électropunk yougoslave du tout début des années 80 et même déjà de 79, je pense. Voilà. Ok, c'est noté. Merci. De rien.